إلا عندما يفقدها أو تتناقص عنه. ونعم الله جل وعلا وأرزاقه ليست محصورة في المال فقط، فهي تتنوع وتتعدد بشتى صورها وأشكالها. وإن من هذه النعم التي تفضل الله تعالى بها على العباد نعمة الأمن والآمان في بيته على نفسه وأهله وولاده، وكذلك نعمة الصحة والعافية من الأمراض والأوجاع والآفات، والآفات والآلام صغيرها وكبيرها، وكذلك نعمة إيجاد القوت والطعام لليوم الذي تعيش فيه. كل هذه النعم وغيرها مما يتقلب بها العبد بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فواجب الشكر من العبد لربه وخالقه سبحانه وتعالى أمر محتم ولازم. فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وإن من النصوص والأحاديث الصحيحة التي ذكرت هذه النعم التي تم الإشارة إليها هي عن عبيد الله ابن محصن الأنصاري وأبي الدرداء، وعن عبد الله ابن عمر، وعن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بإسناد حسن. فقوله عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم، أي عبد من العباد عاش منكم وجاء عليه الصبح وقدر له أن يعيش يوما جديدا، قدر له أن يعيش يوما جديدا، وهذا بحد ذاته من النعم التي لا يدركها كثير من الخلق، وهو أن يعيش أو أن تعيش يوما جديدا لتكون معك الفرصة للتزود من الطاعات والعبادات والقربات لرب العالمين. عباد الله، قوله صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه، أي يأمن في بيته على نفسه وأهله وأولاده وعلى من يعول. وهذه من أوفر النعم، وهي نعمة الأمن والآمان التي لا يدرك قيمتها إلا من يعيش في بلد فيه الحروب والقلاقل والفتن والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معافا في جسده، أي من حصلت له العافية والصحة في جسده وسلمه الله جل وعلا من الأمراض والأوجاع والآفات والعلل الجسدية وكان صحيحا سليما. وقوله صلى الله عليه وسلم وعنده قوت يومه، أي من توفر له قوت ورزق يومه الذي يعيش فيه من الطعام والشراب والمؤونة ما يكفيه، فهذه كذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على العباد. فكم من إنسان في مشارق الأرض ومغاربها لا يجد ما يسد به جوعته، فلله الحمد والمنة والفضل. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Serviteur d'Allah, chaque croyant, chaque croyante, Allah Jalla wa Ala, dans un noble verset, dans son livre immense et noble, nous dit dans un verset, « Et si vous essayez de dénombrer, dans un sens, dans une traduction du sens du verset, et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez le faire. » La tursuha. Vous ne saurez les dénombrer, les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ووفقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلع أو عام سامع. Et conformément à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'Allah accorde la beauté et la splendeur pour celui qui entend l'une de nos paroles et la transmet comme il l'a entendu, peut-être qu'une personne à qui on transmet le récit sera plus attentif que celui qui l'a entendu. Alors je vais vous réciter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qui justement est un remède contre la tristesse, l'angoisse, les maux, la détresse, les dépressions, le mal-être. Le remède à cela, c'est de se remémorer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se remémore chaque jour les bienfaits d'Allah et constamment et à chaque instant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala de son créateur sur lui, alors il va trouver ici un remède contre la tristesse puisque Shaitan, le diable, veut faire tomber les individus dans la tristesse. Pourquoi ? Parce que la tristesse et la détresse et la dépression et le stress est cause de maladie. Alors le prophète, ensemble dans un hadith immense, nous dit « Celui qui, le matin, est en sécurité auprès de sa famille et en bonne santé, possède sa nourriture de la journée, c'est comme s'il possédait cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. » Donc c'est un hadith qui est jugé bon, qui remonte jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, et dont plus d'un compagnon le rapporte. Où le prophète sallam va citer trois bienfaits. Et certains savants, grands théologiens musulmans, dans l'explication de ce hadith, nous disent que ça, c'est les fondements et les bases des bienfaits, les trois grands bienfaits, les bases, al-usul, usul al-ni'am, les bases, les principes des bienfaits. Alors, le prophète sallam dit, celui men asbaha, c'est celui qui se réveille, qui se trouve à bon matin, en bonne santé. Ou plutôt, en sécurité d'abord. La première chose, la sécurité. Alors celui qui se réveille à bon matin, et il se voit en sécurité auprès de sa famille, dans son foyer, dans sa demeure, alors il est dans un bienfait qui est immense. Immense. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette sécurité-là. C'est pour cela que les savants, pour démontrer l'importance de l'amn ou l'amen, ce qu'on appelle le bienfait de la sécurité, vivre en sécurité, les savants nous disent, c'est lorsqu'on se réveille le matin, on ne craint pas d'être attaqué. Et on n'a pas peur aussi pour les siens, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches, pour ses voisins, qu'ils soient attaqués et que leur vie soit en danger. Regardez Ibrahim alayhi salam, le prophète, lorsqu'il a invoqué, il a dit, « Oh Seigneur, il a d'abord imploré la sécurité. Ensuite, risk. Ensuite, il a demandé la subsistance. » Et celui qui va reconnaître Ni'mat al-Amn, vraiment reconnaître le bienfait de la sécurité, c'est celui qui va la perdre. Regardez dans certains pays où il y a des guerres, il y a de l'insécurité, alors les gens, même s'ils sont riches, alors ils ne jouissent pas, ils ne ressentent pas ce bienfait de la richesse. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans l'insécurité. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il dit, celui qui se réveille à beau matin en sécurité auprès de sa famille et est en bonne santé. Al-afiyah, être à l'abri des maux, être à l'abri des maladies dévastatrices, être en bonne santé. Celui qui se réveille à beau matin en bonne santé alors qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est riche et celui qui détient des richesses et des fortunes, mais qui n'a pas la sécurité ni la bonne santé, il ne va pas jouir de ces richesses-là. Il ne va pas jouir de sa fortune. Et donc, celui qui se réveille en bonne santé et qui peut invoquer Allah Jalla wa Ala, et qui peut vaquer à ses occupations, qui peut aller travailler, qui peut aller adorer Allah Azza wa Jalla, qui peut aller prier Allah Jalla wa Ala, fi bayt min buyutillahi Azza wa Jalla, fa hadhihi min an-ni'am. Ça fait partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, pour résumer, pour pas être trop long, et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et il détient, il possède la nourriture de la journée. Il possède kut al-yawm, la nourriture, l'alimentation de la journée. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui détient, qui se réveille à beau matin, avec ces trois bienfaits-là, c'est comme s'il possède ad-dunya. Cette vie d'ici-bas, il la possède et ce qu'elle contient. Et dans les traductions, les savants expliquent, ils disent ad-dunya, c'est-à-dire entièrement, dans sa totalité. Si mon frère, si toi ma sœur, tu te réveilles à beau matin, en sécurité auprès des tiens, tu as la santé, tu as la nourriture de la journée, alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala, tu vis une nouvelle journée. Il y a des gens qui ne connaissent pas cette nouvelle journée. Les cimetières accueillent les morts chaque jour, chaque instant. Il y a des gens, ils ne vont pas connaître la journée de demain ou celle d'après-demain. Donc vivre une nouvelle journée, si tu te réveilles à beau matin, nouvelle journée, pour une nouvelle journée, en sécurité, en bonne santé, avec la nourriture de ta journée, alors remercie Allah, ce sont les plus grands bienfaits. Et celui qui se remémore cela et se rappelle cela, alors, la détresse va se dissiper. Les angoisses, la tristesse, les dépressions, les mal occultes. Alors, se rappeler ces bienfaits, se rappeler ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappeler cela aux proches, même pour nos sœurs, si elles voient qu'elles se réveillent à bon matin, en sécurité, proche de leurs enfants, en bonne santé, avec la nourriture de la journée, alors on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une bonne journée de pouvoir l'invoquer, de pouvoir l'adorer. فنسأل الله جل وعلا من فضله العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك